Monsieur, vous faites toute une publicité aux Belges, tout ça. Alors que nous, on a les Suisses allemands, ils sont largement aussi cons. Oh, vous avez l'air malin, hein. Oh, je vous remercie, c'est agréable. C'est comme pour les Français. J'ai pas dit que les Français étaient tous des cons, moi. Hein? Je l'ai dit? Alors, je l'ai pas dit fort, hein. Puis de toute façon, ça compte pas, parce qu'on peut pas dire comme ça, les gens, c'est tous des cons, et même les Français, on peut... Non, les Français, c'est un mauvais exemple, hein. Ou alors par groupe, des trucs comme ça, mais même... Par exemple, les supporters, des trucs comme ça. Ils sont cons, les supporters, hein. Mais si on allait par là, on peut toujours trouver plus con que les supporters, à ce moment-là. Il y a les sportifs. Ils sont plus cons, les sportifs. Parce que les supporters, ils sont assis, les autres, ils courent. Et les autres, si on va par là, ils sont plus cons. Remarquez, c'est toujours pareil, hein, il faut les comprendre. Moi, je les comprends, les sportifs. Parce que moi, je suis mieux placé, peut-être que vous, parce que je fais du sport. Oh ben, je vous remercie, c'est agréable. Alors, je vais vous dire, c'est de la mauvaise foi, ben, ça peut pas se voir, je vais vous dire pourquoi je commence demain, alors. Alors, voyez. Mais il faut les comprendre aussi, les sportifs, parce que, par exemple, on dit, ils sont cons. Bon, c'est vrai, mais c'est vite dit. Parce que le temps qu'ils passent à courir, ils le passent pas à se demander pourquoi ils courent. Alors après, on s'étonne qu'ils soient aussi cons à l'arrivée qu'au départ. Faut se mettre à leur place aussi, hein. Remarquez, moi, je me mettrais bien à leur place, c'est pour les gosses. Eh, parce que les sportifs, ils emballent. Les gonzesses. Là ils arrivent, Les gonzesses. Là remarquez, moi, je pourrais emballer aussi, hein. Ah ben, je vous remercie. Non, pas dans les stades. Mais je pourrais emballer, justement, parce qu'en ce moment, je fais un régime. Je mange plus de pain avec les nouilles. Eh ben dis donc, j'ai déjà vachement changé, hein. Eh, j'ai croisé un copain l'autre jour, j'ai fait coucou, il m'a pas reconnu. Marqué, lui, il est tellement con, ça se trouve, c'était pas moi, hein. Attends. Eh, qui se marre, hein, sportif? Dans les vestiaires. Parce que maintenant, les vestiaires, c'est mystique. C'est mystique. Alors, les mecs comme ça, c'est les gonzesses, alors ils disent, hé là, ton short est trop petit, ou il est doublé en fourrure, con. remarquez, je suis pas pressé d'y aller dans les vestiaires, j'ai un copain, il fait du sport depuis hier, on y a déjà gaulé sa montre, alors. Non mais c'est pour dire, ils sont la gueule. Et puis c'est toujours pareil, on peut pas dire que c'est tous des cons non plus, les sportifs. Parce que par exemple, il y en a qui touchent de l'argent, puis c'est interdit, hein. Alors il y en a qui sont moins cons que les autres. Je dis, il y en a qui touchent l'argent, mais faut pas le dire parce que c'est interdit. Oh bon, et le doping? Non, c'est pareil, le doping. Eh, faut pas en parler, le doping. Oh, n'en parle pas, alors. Non, non, non, non, non. Ah bon, tant pis. Bon. Eh, le doping. Pas celui qu'ils ont le droit de prendre toute la journée, que ça se voit pas quand ils pissent. Non. Ah non, moi, je vous parle le vrai doping, celui qui gagne les records avec et tout. Hein. Bon, eh, alors mettons qu'ils arrêtent. On aura l'air malin devant nos téléviseurs en attendant qu'ils battent les records, hein. Et puis le Tour de France pour arriver le 14 juillet, bah, faudra qu'ils partent à Noël, hein. Et encore, faudra que les plus balèzes poussent les plus petits, hein. Parce que s'il y a un sport qui est dur, c'est le vélo, hein. C'est dur, le vélo! Oh là là! Qu'est-ce qu'il faut être con pour faire ça comme sport? Eh ben, c'est quand même pas de ma faute si c'est les Belges qui gagnent, merde! Et puis on dit toujours les sportifs c'est des cons. Bon, mais c'est l'esprit d'équipe. C'est les mecs sur une équipe, il y a un esprit. Alors ils partagent. Bon, et encore il y a des exceptions, je vous dis un truc, j'ai un copain, il fait du sport l'autre jour à la cantine. Il y a un gros qui s'est levé, il a mis une praline dans la gueule, il a piqué son assiette. Et puis il a dit, quand il y en a pour deux, il y en a pour moi. Bon. Alors mon pote il s'est levé, il a dit, qu'est-ce que tu fais comme sport, hein? L'autre a dit, je fais haltérophilie. Bon, alors il s'est rassis, hein, lui, il fait ping-pong. Hein. Ouais, c'est bien aussi, mais enfin, pour manger à la cantine, c'est pas facile. Hein. Il est balèze, hein, mon pote. Il est pas très connu, mais il a été illuminé en finale. Hein. Bon, pour vous dire, esprit, que c'est pas les lumières, ses copains, ils l'appellent l'andouille. Je vous le donne, Émile, c'est parce que... il s'est fait battre par ce crétin, vous voyez, il n'y a pas de quoi s'en lever la nuit. Hein. Eh ben, mon pote, il est balèze, hein, déjà, au ping-pong. Il a un truc à lui, alors je vous le dis, il faut pas le dire. Eh, hein. Hey. Il vise les yeux. Moi, j'ai joué un peu avec lui, mon ami, une de chaque côté, ben... Bon, j'ai continué un peu en nocturne, pour être poli. Hein. Après, je suis rentré, hein, parce que... Bon, ben alors, admettons que les sportifs soient plus cons que les supporters. Bon. Ben alors, si on veut trouver plus con, hein, on peut toujours trouver plus con que soi, hein. Regardez-moi.